questions, vous avez un peu des plaintes, qui ne sont pas les accros d'agence, c'est juste le bain, une trousse à l'eau, comme vous pouvez trouver ça maintenant. L'éducation, c'est compliqué d'arriver dans un jeu qui ne veut pas être minoritaire, qui sont dans une société de mange, qui ne veut pas avoir un comportement, se démarquer de la race, mais qui ne sont pas opposés fondamentalement, enfin, qui ne sont pas des problèmes, qui ont parlé de côté du trait, qui ont parlé aussi de l'éducation de la vie, sur la violence, et c'est certainement une minorité qui est prête à s'investir, à s'inviter pour les jeunes, comme une minorité qui est prête aujourd'hui à s'investir contre. Quoi. Donc, le problème, c'est que c'est plutôt comme le débat public, le débat citoyen, c'est pas un problème de consommateur, c'est le problème d'arriver à ce que nous, on fasse ce qu'il faut pour que ça soit débattu, pour que toute la société soit des gens, pour que nous discutions de l'emploi, de la paix, en famille, de la journée des articles, etc. À un moment donné, ça arrive dans les cercles politiques, ça arrive de bien, mais que ça soit débattu, que nous, on pose la question, est-ce que c'est légitime? Saine et sa chair animale étant pouvant être disponible en quantité suffisante, parce que les êtres sensibles ne doivent pas être maltraités ou tués sans nécessité, l'élevage, la pêche et la chasse des animaux pour leur chair, ainsi que l'importation, la vente et la consommation de chair animale doivent être abolies. Permet de concilier les différents points de vue. C'est-à-dire que je pense que, comme on me l'a évoqué ce matin, enfin, il y a des gens qui sont plus opposés, choqués, etc., et qui viendraient au végétarisme par le fait de ne pas tuer pour manger, et que d'autres considèrent que la mort en soi, c'est pas vraiment un problème, mais c'est les conditions d'existence et d'abattage, quoi. Donc je pense que ce texte, il a l'avantage de permettre aux... C'est des raisons suffisantes, qui sont toutes vraies, que personne ne conteste, qui... Je dirais que c'est un peu ni l'un ni l'autre, c'est dire, enfin, la première phrase, on pense qu'elle n'est pas contestable, la seconde non plus, après on peut discuter sur le nombre d'entre eux, on peut dire que c'est la totalité, on peut dire que c'est très peu sur les points de vue, mais c'est pas tellement contestable qu'il y a de la souffrance dans l'élevage et les abattoirs, donc ce sont des raisons suffisantes pour interdire. Après, je dirais, justement, chacun peut avoir une position différente, de dire, moi, de toute façon, la première phrase me suffit, c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas les manger, quoi. L'interdiction du meurtre des animaux... Voilà, d'autres pourraient être pour la deuxième et dire finalement il y a tellement de souffrance dans l'élevage, même s'il y en a quelques-uns, mal, globalement il faut interdire parce que c'est comme une limitation de vitesse, quoi. On limite à 130 sur l'autoroute, même s'il y a des endroits pour rouler à 160, c'est pas plus dangereux. Il faut une mesure politique, elle ne peut pas dépendre du contexte. Enfin, tu vois, mais je veux dire, le but de ce texte a été d'essayer d'être compatible avec tous ces divers points de vue. Je ne sais pas si tu trouves que c'est vrai ou pas. La deuxième, elle n'est pas suffisante pour amener à la conclusion. Oui, mais après, elle est liée à d'autres remarques. Elle a du coup à sa place. Mais je comprends. Est-ce que tu peux... Enfin, peut-être que je viens d'arriver, donc je suis peut-être pas compris pour ça, à cause de ça, mais est-ce que tu peux dire pourquoi... Parce que j'aimerais savoir, c'est juste si chaque phrase sont indépendantes ou si c'est la suite qui entraîne la conclusion de l'évolution de la violence. C'est un ensemble de phrases, il me semble, qui décrivent le contexte et dont la conclusion, abolition de la viande, découle... Enfin, l'abolition de la viande, elle ne découle pas de chaque phrase séparément. Je veux dire, ça c'est clair, mais... C'est vrai que mon questionnement, c'était est-ce que abolition de la viande, ça veut dire abolition de tuer les animaux ? Attends, pour les manger. Enfin, c'est plutôt que... Non, mais si on dit que... On pense que... Mais là, en fait, c'est... Enfin, la société, aujourd'hui, pense que... C'est-à-dire qu'il y a des lois qui interdisent de tuer des animaux sans nécessité, quoi. Y compris des cochons, des vaches, t'as pas le droit de les tuer sans nécessité. Bon. Donc, on dit... On est tous d'accord là-dessus, quoi. Parce qu'il ne faut pas les tuer sans nécessité. La viande, il n'y a pas besoin d'en manger. La viande, enfin, il faut les tuer. Donc, je veux dire, là, il ne s'agit pas de... de mettre en avant, de promouvoir l'idée qu'il ne faut pas tuer les animaux sans nécessité, c'est de dire la société reconnaît déjà qu'il ne faut pas les tuer sans nécessité, donc logiquement la viande déjà de facto elle est illégale en fait, elle devrait être interdite de... Tu vois, c'est s'appuyer sur ce qui paraît incontestable et reconnu déjà aujourd'hui dans la société, quoi. C'est ces éléments qui sont là. Qui c'est qui a écrit ce texte ? C'est collectivement un certain nombre de personnes sur une liste Yahoo. Voilà. Moi, je sais pas, on était une trentaine sur la liste, ces 5 ou 6 ont dû s'impliquer activement. Est-ce qu'elle est figée ou est-ce qu'elle peut encore évoluer ? Moi, je ne souhaite pas du tout qu'on la fasse évoluer, mais parce qu'il y a eu des discussions avec, je te dis, cette trentaine de personnes qui me semblent trouver beaucoup de points de vue, mais toute critique est bienvenue. Et après tout, le texte, je veux dire, chacun est... Parce que sinon, à ce moment-là, nous, on devient des exécutants, et c'est déjà un peu moins intéressant pour nous. Pourtant, moi, j'aimerais qu'il y ait l'abolition de la vie, mais je ne souhaite pas qu'on me dise justement, non, c'est écrit comme ça. D'accord. Alors, je distingue vraiment deux niveaux. Pour moi, il y a ce que j'exprimais au départ, et c'est pour ça que ça, je l'ai présenté comme dans un deuxième temps. Au départ, c'est le fait d'adhérer à une campagne, à une volonté, à un objectif de faire interdire la viande et sur le motif que les animaux, que ça nuit aux animaux, quoi. Les animaux en tant qu'êtres sensibles. Et après, pour moi, chaque personne, chaque groupe, chacun peut développer ses propres arguments déjà sur cette base-là, quoi. Ensuite, il y a un certain nombre de gens qui, moi, je pense, c'est très majoritaire, qui se reconnaissent dans ce texte-là. En train de justifier qu'on ne peut pas le modifier, qu'on ne peut pas continuer à argumenter, pourquoi j'aimerais... Tu peux écrire le texte que tu veux, y compris avec d'autres raisons, voilà, après... L'abolition de la viande, justement, parce que je vais pouvoir répondre un peu, c'est d'abord les mots présentés. Donc, tu as dit, c'est quelque chose qui n'est pas tellement pris par une association, c'est un mouvement général. Voilà. Et pourtant, tu dis que c'est un texte qui propose un peu figé. Tu ne m'as pas écouté, là, je viens de dire, je distinguais deux choses. Le fait d'adhérer à l'idée générale et à l'objectif d'abolition de la viande, sur l'argument quand même que les animaux, pour les animaux, quoi, je veux dire, c'est pas... Mais, bon... Et dans ce contexte-là, chacun peut développer l'argumentation et la philosophie, son point de vue sur le monde qui permet de conclure ça, quoi. Après, ce texte-là, comment ? Est-ce qu'il sera présenté à d'autres personnes, ce texte ? Ah bah que oui, moi je crois beaucoup à la validité qu'il y a dans ce texte et à son pouvoir de conviction, et moi je vais œuvrer à le faire connaître, quoi. Nous, si on a pas... des idées, oui, il n'y en a aucune qui pourront rentrer dedans. Mais pas dans ce texte. Mais je veux dire, tu vas faire entrer des idées dans ce texte, puis quelqu'un d'autre va venir. Je veux dire, tu dis, on va être que des exécutants, mais dans ce cas-là, il faudrait que tous les gens et les millions de gens, ils rajoutent tous leurs idées. Et le texte, il va faire... c'est comme ça qu'il se construit. Il va faire 50 km de long, et je veux dire, c'est plus un texte... Là, tout de suite, tac, t'es dans l'extrême. C'est-à-dire, moi, je te parle d'une modification, tu me dis 50 km. Mais non, mais c'est toi qui dis, on n'est que des exécutants. Moi, je veux bien être exécutant de trucs. Je veux dire, moi, ça ne me gêne pas d'être exécutant de trucs quand je suis d'accord avec. Là, il n'y a pas de débat. Là, je vous demande un truc, et c'est tout de suite votre nom. C'est-à-dire, je n'ai même pas le temps de dire mes arguments. Mais dis en quoi tu n'es pas d'accord avec ce texte, ou tu veux rajouter des trucs, et puis... Par exemple, je peux te dire ce que je propose, c'est-à-dire que, à toute modification, déjà, c'est... Mais est-ce que ce que tu proposes doit forcément rentrer dans ce texte ? Ben, après, je n'ai même pas le temps de prendre la phrase. Je vais te poser une question, et c'est quoi ma réponse ? C'est quoi ta question ? C'est quoi ma réponse ? Et tu vas poser une deuxième question. Ce que je dis, c'est, je veux bien que tu proposes des trucs, on est ici pour débattre, mais c'est toi qui, dès le départ, dis, je veux, comme condition préalable au fait que je propose des trucs, de pouvoir que ce que je vais proposer rentre dans ces textes. C'est une condition, c'est un choix stratégique. Quelle est ta vision sur ça ? C'est-à-dire que, toi, quand j'écris un texte, si j'écris des textes, et puis je les montre à mes amis ou à des gens, et ils me disent, tiens, là, il y a une faute, donc je la corrige. Je me dis pas, non, ça y est, c'est comme ça, t'adhères ou pas ? Bah oui, ça y est, encore une autre personne contre moi. Attendez, là, ça devient trop. Stop. Quatrième personne contre moi. Stop. Non, mais arrêtez. Mais oui, je suis en train de dire, parce que... Mais il n'y a aucune raison. Bah si, il n'y a que des raisons. C'est-à-dire que oui, c'est extrêmement oppressant. Je vous le dis, de mon point de vue. C'est-à-dire que j'ai toujours pas... T'as posé une question, j'ai même pas tout définir. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu penses ? Voilà, j'ai même pas le temps de venir. J'ai même pas. Voilà. Qu'est-ce que tu penses ? Tu m'as demandé qu'est-ce que je voudrais modifier. J'ai déjà dit oui, mais j'ai même pas le temps d'enchaîner sur quelque chose. C'est-à-dire que je me trouve dans la situation que Yves décrit, quand un végétarien, il passe à des carnivores, et le carnivore lui assène de battre le truc. Qu'est-ce que tu veux ? Ouais. Qu'est-ce que tu critiques là-dedans, que tu voudrais ajouter ou que tu voudrais enlever ? Donc, alors déjà, je commence par me protéger. C'est-à-dire que, vu que vous êtes déjà quelqu'un à exprimer le nom, je vais d'abord avoir plus de mal. Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est que quoi que je propose, vous puissiez dire, bah, peut-être qu'on va en parler avec les personnes avec qui on a écrit ce texte et qu'on verra bien. Là, déjà, je préférerais. Enfin, avant que tu me répondes tout de suite, je demande simplement que tu ne me répondes pas tout de suite à ce que je vais proposer. D'accord. Et ensuite, bah, je voudrais aussi que d'abord toutes les autres personnes elles disent qu'elles pensent exactement tout le texte. Et si effectivement, dans le cas où tout sera ouvert, qu'est-ce qu'elles aimeraient, elles sont d'accord ou quels éléments elles ne sont pas d'accord. Et donc toi, pour commencer par toi, pourquoi, qu'est-ce qui te paraît problématique? Pourquoi moi je préférerais maintenant, vu qu'il y a ce genre de rituel, que ce soit d'autres personnes qui prennent la parole, et effectivement après bah, je dirais ouais, deux idées que j'ai. Mais s'il y a d'autres personnes, qu'est-ce qu'elles pensent de ce texte par rapport à donc, est-ce qu'il est améliorable pour aider les animaux et arriver à... Et en quoi il pose problème? Qu'est-ce qui te paraît problématique dans le texte? Pourquoi justement, ce soit d'autres personnes qui parlent? Moi, j'ai juste un petit doute sur... il me semble qu'on peut... il y a l'idée qu'on ne peut pas faire souffrir sans nécessité, à mon avis, elle est plus forte ou elle est plus représentative du sens commun que l'idée qu'on ne peut pas tuer sans nécessité. Ouais. Parce que les gens sont... Enfin, et du coup, vu que la souffrance, enfin, l'absence de souffrance ne garantit pas l'absence de viande, je suis pas sûr que la... Pardon, l'absence de souffrance ne garantit pas cette viande. Bah, on pourrait avoir... Je sais que c'est plus sur nécessité, mais à mon avis, c'est plus. Je doute que ça soit représentatif du sens commun et si du comportement que la je ne comprends pas en fait ce que tu veux dire. Et c'est-à-dire que tu penses qu'il y a coup, des gens qui se reconnaissent pas. Ce que tu disais, en fait. C'est que les gens ils pourraient se dire ben, si le problème c'est la souffrance, à ce moment-là, moi je suis d'accord que faire souffrir sans nécessité, c'est quelque chose qui est mauvais. Donc, mais ça ne m'amène pas à la conclusion qu'il ne faut pas que je mange de viande. Par contre, je suis moins d'accord que tuer sans nécessité est toujours un problème. Et du coup, ça ne m'amène pas à la conclusion. D'accord. Que si je résume ce que je pensais avoir compris pour être sûr, j'ai compris. Tu dis, il y a des gens pour qui le fait de tuer, c'est pas un problème là, dans ce contexte-là, pour qui la souffrance est un problème, mais qui pensent que la viande ne fait pas nécessairement souffrir. Voilà, donc oui, moi je pense effectivement qu'il y a un débat qu'on devrait avoir, sur lequel on n'est pas nécessairement bien armé pour argumenter et qu'on n'a pas suffisamment réfléchi, sur le fait de savoir si on peut produire de la viande sans faire souffrir. Voilà. Et je pense que c'est un vrai débat qui devrait s'ouvrir et qui peut s'ouvrir que quand on se met à proposer l'abolition. C'est-à-dire que ce débat, il est endormi aujourd'hui. Quoi. Mais après, c'est peut-être difficile de changer de place de phrase. Enfin, moi, je sais par exemple si la dernière phrase, parce que les êtres sensibles ne doivent pas être maltraités ou tués sans nécessité, qu'elle pourrait passer avant parce que la consommation de viande n'est pas une nécessité. Et bon, après, là, ça devient un peu comme caraméliser une suite logique. Parce que les êtres sensibles ne doivent pas être maltraités ou tués sans nécessité. Or, la consommation de viande n'est pas une nécessité. Donc là, ça devient plus logique que qu'on prenne l'abolition de la viande. J'ai pas compris. Vois, phrase 3 et 4, en fait, je les inverserais. C'est-à-dire que je ferais passer la 4 en 3 et la 3 en 4. En disant, avant de dire parce que la consommation de viande n'est pas une nécessité, en disant que on n'a pas le droit, enfin que les êtres sensibles ne doivent pas être maltraités ou tués sans nécessité. Or, la consommation de viande n'est pas une nécessité. Donc, on n'a pas le droit de maltraiter ou tuer les êtres sensibles. Mais ça, ça change pas la réalité logique. Enfin, moi, j'ai vraiment un problème parce que j'ai l'impression que les prémices ne suffisent pas à arriver à la solution. Et qu'on inverse le sens des prémices. Je comprends pas. Moi, il me semble que tu contestais les prémices. C'est-à-dire, tu disais que c'est pas évident pour les gens qu'il faut pas tuer sans nécessité. Mais là, tel que c'est énoncé, si tu acceptes les prémices, parce que les êtres sensibles. Oui, c'est pas une question de cohérence interne. C'est plus je sais plus, je me rappelle plus bien, mais le contenu de cette prémisse. De la prémisse ne doit pas être tué sans nécessité. Voilà. Je ne sais pas que j'en doute personnellement, mais je doute que les gens, que ça soit aussi consensuel que le code. Mais faites de quoi exactement? Enfin, moi, je pense que la plupart des gens pensent qu'il ne faut pas tuer sans nécessité. Mais il y a des gens qui disent qu'on peut tuer pour une petite raison. Bon, je veux dire, on peut écraser une mouche, on peut tuer un cochon pour manger. Mais de dire, moi, en fait, je pense que peu de gens pensent que ça pose aucun problème. Je voulais dire, les gens pensent fortement qu'il ne faut pas tuer sans nécessité, tant ils mangent de la viande. Donc ça, enfin, on dirait qu'ils ils sont assez stupides en fait, parce que... Enfin, non, tu l'expliquais assez bien en fait, une autre explication de ça, de ce phénomène. À côté de ça, moi j'ai quand même l'impression qu'ils sont conscients que manger de la viande, c'est un truc de tuer des animaux, et que ça les dérange moins que le fait de faire souffrir son nécessité. Mais par rapport au fait de tuer un chat, quand on discute avec des gens, ils ont vraiment pas l'impression que la mort est un problème. Par rapport à tuer un chat, je pense que les gens, tu dis à quelqu'un, oui, j'ai vu un paysan, son chien lui servait plus pour aller à la chasse, il lui a donné un coup de carabine. Même si tu lui dis, ah oui, mais le chien est mort instantanément, les gens ils vont dire, mais c'est dégueulasse quoi. Ça, c'est une question de spécisme, ils font une différence entre les humains et les autres animaux, pourquoi ils ne font pas de différence entre certaines races, espèces d'animaux quoi. Oui, donc il faut les amener à. C'est pas plus incohérent que le simple fait d'être spéciste et de faire une différence entre les humains et les non-humains. Je pense que ça correspond au fait que les gens, quand ils considèrent un animal comme un être sensible, même sans considérer que c'est un être rationnel, au sens où on dit que les humains sont rationnels, et ben les gens ils sont horrifiés par le fait de tuer cet être sensible. Et que les gens peuvent très bien, très, très vite passer de cette idée-là au fait que le cochon c'est pareil. Et donc que les gens peuvent très, très facilement généraliser le fait que tuer sans nécessité c'est mal. Et d'ailleurs le fait que ça soit dans la loi française et que ça soit écrit comme ça m'en semble un symptôme assez clair quoi. Maintenant c'est vrai que c'est un point où il faudra faire débat, c'est-à-dire que d'une certaine façon on introduit un élément qui n'est pas tout à fait, c'est peut-être le maillon le plus faible du truc, mais je veux dire c'est peut-être le plus faible, mais il n'est pas. Enfin, il a quand même pas mal de force, quoi. Enfin, moi, je pense que juste des discussions que j'ai eues, quand j'ai eu à faire face à des gens qui prétendaient que simplement parce que c'était possible de manger la viande sans faire souffrir aux animaux, c'était un problème indépendamment du fait que les animaux soient tués. Enfin, mais peut-être que ça existe, quoi. Mais c'est vrai que, ouais, il y a des gens. Je pense que, mais je suis tout à fait d'accord, moi j'ai pensé ça longtemps aussi. Cette position-là, je pense aussi que c'est lié au fait que, enfin, c'est la première phase, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui, enfin, en gros, la viande, on tue les animaux pour faire la viande. Si en théorie on pourrait ramasser des animaux morts, ça, mais on tue les animaux pour la viande. Donc, à partir du moment où tu as décidé de continuer de manger de la viande, forcément, enfin, si tu veux justifier ta pratique, tu es amené à dire que c'est le problème de la souffrance qui paraît évitable, qui l'est jusqu'à un certain point. Qui pose problème et pas celui de la mort, parce que si, enfin, tu peux pas, enfin, faut vraiment avoir une capacité très forte de remise en cause perfide, de dire, je continue de manger la viande qui fait tuer les animaux, en gros, quasiment sans nécessité, tu dois le reconnaître, mais en même temps, je pense que c'est un problème de tuer les animaux sans nécessité, enfin, je veux dire, là, surtout si c'est une discussion, tu discutes avec un végétarien qui essaie de te persuader, enfin, la conclusion, c'est que tu deviens végé tout de suite, quoi. Enfin, si t'as pas décidé d'être végé tout de suite, tu peux pas obtenir cette position, on me paraît intenable, quoi. Si tu veux justifier ta pratique de manger de la viande, t'es obligé de considérer que le seul problème, c'est la souffrance, quoi. Enfin, moi, je pense que c'est aussi beaucoup lié à ça, je veux dire, je pense que les gens, ils pensent que c'est, quand ils disent, c'est pas un problème de tuer les animaux, pour la viande en tout cas, c'est parce qu'ils mangent de la viande, quoi. Je suis pas sûr que ce soit l'inverse. Oui, je pense pas que les gens ils mangent de la viande parce qu'ils pensent que c'est pas un problème de tuer. Moi je pense que c'est l'inverse. Ils mangent de la viande, donc ils disent que. Les gens qui mangent de la viande et comment? Ils pensent que c'est pas un problème de tuer. Pardon? Cet argument il s'adresse quand même à des gens qui mangent de la viande et donc pensent que c'est pas un problème de tuer. Que ce soit du fait qu'ils mangent de la viande. Non. Je pense que en fait le problème central, c'est pas savoir si c'est un problème de tuer ou pas, c'est sur la nécessité. C'est-à-dire que les gens considèrent qu'à divers titres, il est impossible d'abolir la viande. Alors il y a ceux qui pensent que c'est nécessaire parce que protéines animales et compagnie. Il y a ceux qui pensent que c'est parce que ce sera impossible, on ne peut pas abolir une culture comme ça, un truc aussi culturellement. Et puis il y a les gens qui pensent simplement, moi je ne peux pas me passer de viande parce qu'on m'en sert à la cantine et que voilà. Mais que le verrou il est du côté de la nécessité. Et que c'est là-dessus qu'il faudra faire le forcing et en même temps il est on est en position de force là-dessus. Puisque les végétariens ils existent, les végétaliens existent, ils peuvent montrer on n'est pas. On n'est pas mort, on est en bonne santé, etc. Enfin, je veux dire, on a tellement de données pour montrer que c'est parfaitement possible. Les gens, ils disent aussi, oui, on est bien obligé d'élever les animaux pour nourrir la planète. Bon, ben ça, à un niveau logique, c'est le truc que tu démolis en 5 minutes, quoi. Donc, je veux dire, sur tous les trucs, là, on a une espèce de... C'est que des dominos, quoi. Il suffit qu'on pousse, à la limite, pour les renverser. Enfin, mais qu'en même temps, c'est ça qui fait le verrou. Les gens, quand ils disent que c'est pas un problème de tuer les animaux pour les manger, c'est parce que dans leur tête, ils ont l'idée que c'est une nécessité de les manger. En même temps, c'est difficile d'avoir l'idée que c'est une nécessité alors qu'on est en train de discuter avec un végétarien. Enfin, moi, ça me paraît plus douteux que le fait d'imaginer qu'il puisse se dire simplement que, enfin, nécessité ou pas, c'est pas un problème. Moi, ce que j'ai entendu comme réaction que j'ai entendu, en fait, parce que là on parle d'hypothétiques réactions, concrètement, moi les réactions que j'ai eues sur le peu de personnes encore où j'ai exprimé que je travaillais là-dessus, c'était pas me dis donc, t'exagères, moi j'aime le beefsteak, tu vas me l'interdire, mais enfin attends, tu vois, mais c'était pas ça, c'était mais alors là, vous attaquez un truc, on n'est pas prêt d'aboyer à la viande, mais c'est chimérique, quoi, alors peut-être dans 1000 ans, mais enfin attendez. C'était ça, la réaction. C'était pas que les gens, ils avaient un problème personnel au fait qu'ils n'allaient plus pouvoir manger de viande. C'était pas ça le problème dans lequel ils se projetaient. C'était parce que je pense que à partir du moment où les gens disent c'est une abolition collective ou c'est la société qui va interdire, ça devient plus vraiment un problème pour eux à gérer ça. Quoi, c'est un problème à la collectivité, aux autres, à l'État, je sais pas quoi, à ceux qui vont s'impliquer dans le problème pour gérer la transition. Quoi. La réaction pour moi était plutôt ça. Elle était voilà, c'est chimérique. Quoi. N'hésitez pas, tu m'agresses, tu vas m'enlever mon beefsteak. Il y en a, hein, et c'est ceux qui prendront les armes, ou du moins les stylos pour les pétitions, et les armes, je pense, à un moment donné. Mais ce n'est pas la majorité des gens, je pense pas. Oui, oui. Et le fait qu'un débat public sur cette question fait progresser le soutien, quoi, et pas l'inverse. Quoi. Oui. Donc, est-ce que ça répond à vos questions ? Est-ce que tu restes sur ta position ? Est-ce que tu restes sur ta position ou est-ce que vous êtes arrivé à un compromis ? Ou est-ce que vous avez oublié le début ? Ben, moi, je continue à penser que l'argument, il n'est pas définitif. Quoi. Mais c'est vrai que pour ouvrir le débat, là, je ne vois pas ce qu'on pourrait ajouter. Quoi. Est-ce que, par exemple, alors, est-ce que la proposition de Sandra, de dire en fait, on n'a pas le droit de faire sa nécessité, mais en plus, il se trouve que ce n'est pas nécessaire de manger les animaux. Est-ce que déjà, d'échanger les deux phrases, les autres pensent que c'est une bonne idée ? Quel est l'objectif que tu poursuis, Guy ? Aider les animaux et donc par une campagne qui présente de la mission d'attente. Par un outil qu'on est en train de mettre au point. Ah oui. Enfin. Mais c'est qu'en fait, ça va être une campagne internationale. C'est-à-dire qu'on ne va pas se fixer sur un article de loi français. La formulation elle a été conçue pour être une sorte de point sur. D'unification au niveau mondial, tu vois. D'accord. Et ces outils, est-ce qu'elles existent dans les autres pays ? On n'a pas retrouvé sans nécessité. pratiquement partout. Dans le donc, est-ce qu'on peut simplement est-ce qu'on peut s'en rajouter d'après la loi numéro tant, mais de dire d'après les lois des codes pénaux respectifs de chaque pays. Voilà, d'un certain nombre de décisions. Pour dire que j'ai l'impression, enfin, je me trompe, mais qu'il faut faire partie d'un pays où il y a cette espèce d'incohérence légale pour être politiquement concerné. C'est peut-être stratégiquement. Enfin, moi, je prends là, quel est le. Oui, c'est ça, je comprends. Enfin, en fait, Guy, toi, tu te focalises sur le texte, c'est ça? Qui te paraît déjà pas mal, mais tu as envie d'améliorer et tu souhaiterais. On peut envoyer une fusée sur une planète, tu vois, pour schématiser. Vous avez calculé la trajectoire. Nous, on est plein à dire, on propose ce plan-là, nous, on dit, attention, ça, de toute façon, ça va tirer juste à côté. Est-ce qu'avant qu'on lance la fusée, on peut tout de suite recalculer deux, trois trucs? Donc, vous, là, vous êtes une sorte de représentant de ce groupe, hein, de personnes qui vont participer à ce groupe. Est-ce qu'il y a encore temps, tu vois, quand il y a l'Assemblée et le Sénat qui se renvoient des choses, est-ce qu'il y a encore temps de discuter de certaines cohérences? Parce que j'ai encore plein de choses à dire sur ce texte derrière, où je dis effectivement... là, c'est un petit peu comme si tu disais, bon, faut pas faire souffrir les animaux, et tu montres aux enfants plein d'images de choses égorgées, ou est-ce que tu montres des animaux gentils, et puis... enfin, je vais presque trop loin, mais est-ce que... En fait, je trouve que ton intervention là est très perturbante, moi elle me pose problème et je trouve qu'on a du mal à discuter comme je pense qu'on pouvait le faire, et c'est pas en termes de fixer une ligne idéologique de ma part, c'est en termes du caractère même agréable de la discussion, productif, etc. Il y a une ambiance mauvaise là qui s'est installée, ça m'est pénible et je suis presque tenté, tu vois, de dire bah, du coup on arrête, on va prendre l'apéro, du coup chacun va un petit peu se détendre et on va reprendre après. Je vais te dire que depuis le début du stage, je suis dans une ambiance très désagréable, puisque tout le temps je suis en train d'avaler ce que les autres disent, et puis je dis c'est vrai. Il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de dialogue, il est. Nous on arrive, je sais pas, voilà ce qu'on commence, vous adhérez ou pas, bah tiens, là, vous adhérez pas, c'est désagréable, donc bah, on va prendre l'apéro. Mais si c'est le cas. Mais moi aussi j'ai travaillé. Moi aussi c'est le cas. Parce que là vous vous mettez à plusieurs pour argumenter votre position. Vous vous mettez à plusieurs contre moi. Tous les copains de la bande en fait se mettent. Mais après on se dit c'est bizarre les estivales d'une année sur l'autre, on n'est pas plus. Donc après je vous dis tout ce que plein de gens pensent et qu'ils ne reviennent pas pour ça. Moi si c'est dans votre intérêt, dans votre position, dans votre campagne, comme dit votre copain, bah oui ça fait 20 ans, puis maintenant je suis découragé. Tu as proposé un truc cet après-midi, il me semble. Et... Si vous ne le recevez pas maintenant, on n'a pas Est-ce que tu as proposé un truc, c'est bien toi qui as proposé un truc cet après-midi sur comment militer seul. Est-ce que quelqu'un a dit c'est une connerie, ça ne nous intéresse pas, ça n'intéresse personne, on le fait pas? J'ai jamais dit ça. Je ne vois pas le rapport, je vois aucun rapport avec ce champ. Donc, en quoi tu peux dire moi j'ai le droit que de recevoir et vous avez le droit que. Enfin, vous, il n'y a que vous qui parlez. Toi, tu as proposé un truc, les gens ils ont dit oui, on a dit bon ben. Là, tu as raison. Sur ce point-là, c'est vrai que c'est relatif, mais. On n'a jamais exclu les gens maintenant. Moi, je suis affecté là, je ne suis pas content. Ça fait un quart d'heure qu'on commence à se fâcher, on ne parle plus du tout de la question de la viande. Parce que pour moi, la conclusion, c'est je vais dire ce que je voudrais qu'il change dans ce texte. Mais tant qu'on me dit de toute façon, il ne changera pas, pourquoi je me déchirerai à le dire? C'est ça? Eh bien, ne le dis pas. Donc, d'accord, bon, c'est sur la question. Donc, vous prenez le risque qu'un élément extérieur. Non, mais ça fait 20 minutes que en fait, tu as non, la possibilité de dire ce qui te pose problème dans le texte. J'ai la parole, après moi, d'accord. J'ai cherché à distribuer la parole, mais c'est là que vous êtes revenu en me disant mais toi, Guy, pourquoi toi, ça me fait bien? D'accord. Mais non, ça ne serait pas tout seul. Mais non, parce que vous vous mettez. Là, moi, je propose d'arrêter. Moi, je vais arrêter. Je vais quitter la pièce. Bah ouais, mais si tu quittes la pièce, comme il s'est passé au début avec un autre problème, on a dit où on crache sur les chrétiens. On en profite. On dit oui, les cathos, les chrétiens, ce qui n'a rien à voir. Donc c'est pareil, c'est dégonflé, c'est-à-dire que vous fuyez des problèmes. Et pourtant, c'est important pour passer à autre chose. Moi, je trouve que ce problème, il faut qu'il soit résolu. Il ne faut pas en plus me laisser dans cette détresse et que vous partez. Parce que si vous partez, mais je veux bien discuter avec toi. Je veux bien prendre l'apéro avec toi et discuter. Et vous repartez en laissant le malade tout seul dans la salle d'opération. Et là, pour moi, c'est extrêmement grave. Bah, moi, je veux bien aller prendre l'apéro avec toi. Parce que moi je voudrais dire ce que j'ai à dire maintenant sur le texte. Moi je voudrais dire ce que j'ai à dire sur le texte. D'ailleurs, là, vous savez, j'ai à dire. Ouais, vas-y, d'accord. Voilà. On va le remettre, bah, il a disparu. C'est juste de lettres, c'est-à-dire que les peuples ne peuvent pas être maltraités ni tués sans nécessité, c'est un petit détail, mais c'est pas mieux. Et qu'enfin, si on compte les points blancs et les points noirs, ou les points vivants et les points négatifs, c'est-à-dire on compte le nombre d'animaux qui sont positifs, le nombre de vivres qui sont positifs, et le nombre de viande, de chair animale ou de mort. Et on essaie de faire une étude, comme les profs de français le font, pour voir quel impact psychologique ça a sur les gens. Parce qu'il y a sur les gens qui sont végétariens, mais il y a sur les gens carnivores. Si on vous dit un texte, vous êtes un petit peu endormi, vous êtes fumé, enfin non, là même, vous êtes un peu comme ça, vous entendez. Campagne de la pollution de la viande. Bon. Aya, arrête. Tu t'écoutes, bon, campagne de la pollution de la viande, bien, ça, rien à dire. Parfait. Et après, hop, on écoute, hein, la viande, bien, je dis, tiens, ah ben, j'ai mangé un steak. Il y en a, ils sont comme ça. Donc ça, je trouve que c'est pas stratégique. Alors, ce que je proposerais, en plus, c'est de, après résolution pour la pollution de la viande, d'accord, mais tout de suite après, on met une phrase qui commence par « parce que les animaux ». Redis, quelle phrase ? Résolution pour l'abolition de la viande. Oui. Parce que les animaux. Les animaux quoi ? Ah, je peux vous laisser chercher, j'ai une idée, mais vous pouvez avoir une idée. Par exemple, parce que les animaux dont la viande les concerne en premier et directement ne sont pas d'accord. Parce que les animaux ne sont pas d'accord pour produire cette viande. Par exemple. C'est un choix stratégique. C'est, moi, c'est sur le quatrième ligne, tu as dit au départ, tu as commencé par ça, que tu étais mal à l'aise ou quel clocher, je n'ai pas compris pourquoi. Mais déjà, moi, je serais content, moi, ça m'irait, si les trois légales avaient commencé. Si le loup était dans son ennemi, sans nécessité, enfin que cette phrase elle soit rattachée à d'après les lois, des codes pénaux de différents pays. Et puis par-ci, dès après résolution pour l'abolition de la viande, on écrivait parce que les animaux ne sont pas d'accord pour être mangés ou tuer ou transformer en viande. Donc on vit simplement, même si on met une phrase qui est complètement positive, c'est parce que les animaux ont envie de vivre, d'être libres et vivre heureux. Bien sûr, par rapport à la discussion qu'on a à l'instant, il y a. J'en reviens sur un point que j'avais dit au départ, sur le fait que c'est avant tout une idée qu'on doit diffuser, un objectif qu'on doit faire partager, plus que des choses fédératrices, faites en commun, des structures, des organisations, etc. Il y avait juste quelques lignes qu'avait écrit Yves dans un mail, mais que je trouve bien dites, je les lis bêtement. Il faut considérer la chose, cette campagne, quoi, la chose ainsi, il me semble, une campagne qui n'appartient à personne, qui est un mot d'ordre et non une organisation, qui est un mouvement fédérateur mais pas une fédération, qui est un objectif vers lequel conjoindre des efforts sans abandonner les spécificités de nos luttes. Voilà. C'est-à-dire que ce qu'on doit s'attacher à faire, il me semble, moi, dans cette phase-là, c'est de faire partager, de faire connaître, comme on le fait à l'instant ici, quoi. Chacun de notre côté, le fait que nous, on pense que c'est pensable de faire abolir la viande, qu'on pense qu'il y a des raisons sérieuses pour ça, qu'on pense qu'il y a bien plus que les végétariens qui partagent ces raisons-là, et qu'il faudrait en discuter, quoi. Et que c'est ça, avant toute question... de mots d'ordre, de textes, d'organisation, d'action, d'initiative, que chacun, chaque groupe, chaque collectif, chaque asso peut faire pour soutenir ça, mais qui compte, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'il y a suffisamment de bonnes raisons et de positions philosophiques, point de vue sur le monde, tout ça, sensibilité, valable pour faire interdire la viande, quoi. C'est pas un truc qui demande d'être vachement dans un système idéologique précis avec un certain nombre de conditions à avoir. Moi, je pense que la quasi-totalité des gens, en fait, pensent que la viande devrait être abolie si on en débat vraiment, quoi. Et s'ils n'étaient pas attachés, conditionnés par le fait qu'ils en mangent déjà depuis qu'ils sont nés, quoi. J'ai vraiment envie qu'il n'y ait pas le sentiment que cette campagne, elle soit l'expression d'une certaine éthologie ou d'un point de vue sur le monde, autre que c'est moche la souffrance, c'est pas bien de tuer, les animaux, c'est des animaux qui vivent et qui souffrent, qui peuvent souffrir, et que donc ça c'est moche et qu'il faut arrêter, quoi. J'ai pas tellement envie d'après, au-delà de ça, moi j'ai des raisons plus précises de m'opposer à la viande, et chacun peut en avoir, des raisons religieuses, des raisons politiques, des raisons, etc. Voilà, mais j'ai vraiment envie, je trouve que c'est important et que ce serait vraiment grave pour cette campagne si c'était pas perçu comme tel, que ce soit vu juste comme un objectif commun, mais comme l'abolition de l'esclavage des humains. Il y avait 1000 raisons de s'opposer à l'esclavage des humains, des raisons, je dirais, de détail, ou des raisons personnelles, ou des raisons de groupe, comme des raisons religieuses, des raisons philosophiques particulières, etc. Mais en gros, ce qui réunissait tout le monde, c'est que c'était trop moche ce qu'on faisait aux humains qui souffraient d'être mis en esclavage, et que c'est ça qui faisait que les gens œuvraient ensemble à ça, quoi. Mais après, il n'y avait pas une organisation précise, un mot d'ordre précis, pour lequel les gens se sont tous agglutinés à 100% là-dessus. Non, c'était, enfin voilà, je sais pas si je suis clair. Et j'ai peur, en fait, et je voudrais pas que cette idée de campagne soit perçue comme telle, quoi. Voilà. Comme un truc, voilà, je sais pas si c'est clair. Il faudrait pas. Moi aussi, ce texte, je voulais qu'il corresponde à ce que j'aurais envie que le monde accepte comme idée. Il y aurait bien plus de choses dedans. Il y aurait, je veux dire que ce texte, il est aussi un minimum pour essayer, enfin par rapport à un objectif politique. Il n'est pas quelque chose qui correspond à tout ce qu'on aurait envie de mettre dedans, quoi. Adapter un petit peu la façon dont on écrit les lois et tout ça, et là-dedans on n'est pas trop, ouais, c'est des idées, les sentiments, tout ça. Bah, disons que ça, c'est un support un peu plus consensuel, après ça va te permettre, toi, d'engager un débat, et peut-être à ce moment-là, de mettre tes idées un peu plus personnelles, assez globales. Et voilà, ça permet d'avoir une certaine neutralité, et puis ouais. de mettre d'accord toutes les personnes avec leurs différences et leurs différences. Au niveau des organisations, il y a Fanny qui est là. Est-ce que tu penses que l'organisation dans laquelle tu es, il y a l'association suisse végétarienne, c'est ça le terme, non? C'est quoi précis? Je ne suis pas là. Non. D'accord. Ouais. Sinon, je suis partie avec François de Finances. D'accord. Et c'est-à-dire, là, on a parlé en termes d'individus, c'est-à-dire chacun a pu dire comment il veut. Enfin, cette campagne personnelle, j'ai l'impression que cette idée de campagne est débile et contre-productive, mais il y en a peut-être, ce serait bien qu'ils le disent si c'est le cas. Après, on essaie d'intuiter ce que d'autres individus vont penser. Maintenant, au niveau des organisations des groupes, je veux dire, toi, par exemple, le groupe, alors je ne sais pas exactement quel rôle vous avez dedans, comment vous connaissez les autres, tout ça, mais est-ce que vous imaginez quelle réaction va être si vous dites, tiens, il y a ce truc-là, est-ce qu'on adhère ou pas, est-ce qu'on soutient ou pas cette campagne, est-ce qu'on... Comment vous imaginez les réactions? Je pense que je peux dire que l'association suisse du végétalisme est quand même la plus grosse association qui existe en Suisse. Que pour voir ça passerait tout à fait. Je pense que. Tu dis ça passerait? Ça passerait, je pense qu'ils sont entièrement d'accord avec ça. Parce que justement, c'est un côté général. Tout le monde peut trouver quelque chose là-dedans qui correspond. À titre individuel ou que l'organisation décide de soutenir officiellement, de mettre un lien sur le site web et de. Tu vois? Oui, ça aussi, tu penses? Dans un petit peu. Comment? Dans un petit peu, si tout le monde est d'accord. Parce que l'organisation, oui. L'association elle-même, elle regroupe des gens très différents qui se rendent ensemble juste pour la question du végétarisme ou de la viande. Donc il y a déjà un peu ces différences individuelles, donc je pense que c'est vraiment. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a l'alliance végétarienne en France, ou... enfin, je suis adhérent, mais pas plus impliqué que ça. Non. Je pense que ça poserait peut-être plus de problèmes en France qu'en Suisse, enfin intuitivement. J'ai cette impression. Merci. Enfin, je peut-être, c'est pas bien comment j'interviens parce que j'ai pas capté ce qui s'est passé avant, mais sinon, parce que Guy, ce sont pas des changements de fond qu'il proposait, c'était purement des changements de terminologie pour y adapter, pour essayer que ce soit formulé de façon plus forte. Du coup, il m'a semblé que ça tombait pas sous le coup de ce que vous disiez. Bah, histoire de dire, parce que les animaux ont envie de vivre. Moi, c'est une phrase à laquelle, en grande partie, je peux souscrire, mais c'est pas une phrase que j'ai envie de mettre là-dedans. Ah oui. Je trouve pas correct, juste de mettre là-dedans. Il y a plein de gens qui diront, mais les animaux ne savent pas qu'ils vont mourir, comment sait-on qu'ils ont envie de vivre, enfin, je veux dire, ça... Non, mais je pensais au truc que j'ai entendu avant, le fait de changer une par ni, ou d'interchanger les deux lignes. C'était pas des trucs de transformation du fond. Interchanger les deux lignes, moi je trouve que ce serait dommage personnellement. Enfin bon, ça on peut en discuter, mais le truc aussi c'est que ici on va en discuter, sur la liste on va en rediscuter. Oui, je veux dire, quand est-ce qu'on dira que le texte est définitif, quoi, pour un truc qui. Ça, effectivement, l'autre problème c'est que c'est un texte qui a été discuté pendant un temps incroyable par. Enfin, moi, interverter les deux lignes, je trouve que c'est dommage parce que c'est la phrase qui précède la conclusion et que je trouve que la phrase qui précède la conclusion ne doivent pas être maltraitées ou tuées sans nécessité, c'est une phrase forte, quoi. Je trouve qu'il y a une espèce de crescendo. Si on met ça et puis ensuite on dit la consommation de la viande n'est pas une nécessité, je trouve que... Moi, c'est quelque chose avec lequel je suis d'accord, oui, je suis pas sûr cette... Non, mais ce que je veux dire, c'était par rapport à ce qui était dit de... Ben, en tout cas, moi, les arguments que j'ai entendus dire, ça portait, il m'a semblé, plus sur des trucs d'amélioration de la formulation, plus que sur le fait de changer quelque part le caractère de la réalité. Ben, moi, je suis gêné aussi par le truc que dit Guy par rapport au fait que qu'on est des méchants si on dit le texte ne doit pas être changé, quoi. Enfin, c'est quelque chose que je comprends pas, je veux dire... Il y a des questions d'opportunité, quand est-ce qu'on change le texte, je veux dire, comme ce que je te disais, c'est que ce que tu dis, on peut le dire après aussi, et puis après, et après, et après, je veux dire que toi c'est comme si tu disais, nous on a pris le pouvoir et on t'en laisse pas une miette, mais toi tu voudrais un bout du pouvoir, mais dans ce cas il faut que tu admettes que après 100 personnes, 500 personnes... J'ai dit toutes les personnes qui sont aux estivales. Et pourquoi seulement aux estivales? Parce que les estivales, pour moi, c'est un des moments les plus forts. Maintenant, si tu me dis qu'il y a des rencontres encore plus fortes, ou encore plus démocratiques, je veux bien y adhérer. Mais fort ou pas, je veux dire, il peut aussi y avoir, je sais pas, un congrès mondial sur l'abolition de la viande, et puis qu'on dise la même chose, etc. Quoi. Moi, je trouve que ce texte, sur le fond, c'est quelque chose... Enfin, je le trouve fédérateur, je le trouve... Mais oui, mais il n'est pas parce que tu trouves qu'il faudrait mettre ni à la place de ou, mais ça, à mon avis, c'est vraiment une question de ressenti. Ah oui, mais c'est un détail pour 200 000 personnes sur 5 milliards, tu vois. C'est-à-dire que chacun représente un ensemble de gens. C'est-à-dire que c'est dommage qu'on ne puisse pas. C'est comme si le mec avait inventé la machine à vapeur et qu'il disait on n'y touche plus. C'est comme ça, c'est la machine à vapeur, la voiture, elle roule à 20, mais on n'y touche plus, elle est très bien. Donc, c'est pareil. Non, mais quand je dis qu'il est fédérateur, c'est... Par rapport à ce que tu connais du mouvement aux États-Unis, est-ce que tu as déjà un sentiment du type de soutien que ça adhérait ou pas? Je ne parle pas du texte, mais je parle de l'idée de campagne, en termes d'associations qui soutiendraient ou pas, tout ça. Comment tu vois les choses? Tu as une idée un peu? Tu le sens ou... Oui, en fait, je crois qu'il y a pas mal d'assos qui vont le soutenir. Mais ce que je pensais, c'était comment le faire progresser dans le gouvernement. Parce qu'il faut d'abord commencer avec chaque État, et puis après, un certain nombre d'États ont déjà agréé avec une résolution, puis on l'amène au niveau du gouvernement fédéral. Alors, je pensais à quels États vont faire ça ou ça, mais je suis certaine que, pas certaine, mais je pense que plus tard, HSUS. Traduire. Ouais. Tu l'as traduit ? Ouais, ok. Ouais, je crois qu'on va s'intéresser, surtout parce que the Humane Society of the United States, peut-être ça c'est un peu plus abolitionniste qu'eux, qui sont réformistes et tout ça, mais ils sont l'assaut qui font le plus avec les lois et tout ça. Surtout Peter aussi. Mais il y en a plein, alors on est certain. Après, il y a aussi, tu parles comme des choses assez immédiates, disons que. Il y a aussi à titre chacun individuellement, comment est-ce qu'on peut imaginer que c'est possible ou pas. Moi, pour moi aussi, cette campagne, c'est aussi lutter contre le fait que je pense que la plupart des végétariens et des militants, ils ne croient pas possible d'abolir la viande. Quoi. C'est-à-dire que tant qu'on n'en a pas discuté, inconsciemment, on n'y croit pas. Quoi. On pense que ce n'est pas possible. C'est-à-dire que du coup, je pense que c'est une grande cause de déprime, quoi, de désespoir ou de gens qui laissent tomber, etc. C'est que lutter dans des trucs un peu individuels, le foie gras, le machin, des trucs un peu sectoriels, bon, ça peut démotiver à la durée en disant, de toute façon, on s'est attaqué qu'un petit morceau du truc énorme, quoi, de la montagne. Et puis, comme on croit que la montagne, on ne peut pas s'y attaquer vraiment, parce que si on ne croit pas que la viande doit être abolie, c'est totalement décourageant, quoi. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont impliqués dans le mouvement animaliste à un moment donné, et puis qu'on laissait tomber parce qu'ils ont l'impression que c'est trop énorme, quoi. Et trop énorme et impossible. Et je pense que, aussi, un des effets important du simple fait de diffuser l'idée de campagne, c'est de se questionner sur savoir si on pense que c'est possible ou pas, et puis d'y réfléchir un peu. Et de toute façon, on ne peut pas faire progresser une idée si on ne croit pas que c'est possible. Quoi. Je vais faire une petite technique. Maintenant, moi, je suis convaincu que je serai mort avant que le premier État, qui je ne sais pas lequel, je dis les francs-cantons suisses, mais bon, il paraît que ce n'était pas le bon. Moi, je pensais toujours au canton suisse, mais bon, qui abolit la viande, quoi. Je serais mort avant. Moi, je vois ça dans une perspective à un siècle, quoi. Imagine qu'avant la fin du siècle, me paraît probable, possible, si effectivement on travaille et on oublie cette campagne, qu'il y a un petit État qui abolisse la viande, quoi. Voilà, donc je serais mort avant. Bon. Mais voilà, c'est un peu de... Comment ? On a envie d'accélérer, on a envie que les estivales, ce soit un démultiplicateur, un accélérateur, un amplificateur. Et c'est pour ça que c'est marrant, parce que quand je réagis à ce que tu dis, David, tu me dis, je comprends pas, nous, on a pas envie de dire que c'est parce que les animaux ont envie de vivre, nous, on a mis ça comme ça. Alors, je comprends pas, c'est pourquoi tu me dis ça, et tu me dis, bah, en fait, c'est parce que simplement, on veut pas qu'on les tue, on veut pas qu'ils soient mis à mort, qu'ils soient maltraités, mais c'est exactement la même chose. Moi, je demande juste, c'est une forme grammaticale. Et par rapport à ma question, est-ce que toi, tu crois que c'est possible d'abolir la viande, ou en fait, tu penses que c'est chimérique? Oui, c'est possible, hein, c'est complètement. Et tu te projettes dans quel espace de temps? Est-ce que c'est dans un siècle, 10 ans, 1000 ans? Je te donne un exemple. C'est tout en canon, ou Ramsès, je sais plus. Mais avant, ils mangeaient les enfants. C'était commun, c'était une viande normale. Et en fait, ils mangeaient, bon, c'était. Alors évidemment, les arguments que je vais te dire, c'est un peu choquant, mais c'est pas grave, c'est une race élevée pour ça, ils ne servent à rien, on a toujours mangé des enfants. Et lui, il a dit non. Et puis, hop, ça a été aboli. Là. Après, c'est pareil, on dit l'abolition de la peine de mort. Bon, c'est pareil, c'est dur. Mais on dit, oui, les artistes, ils servent à rien. Mais Renaud, il a dit, oui, la guillotine a fonctionné encore en France. Après, il y a eu le bas d'inter et tout ça. Hop, tac, ça a été aboli. Et donc, on peut y croire. Après, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pense que c'est pas possible d'abolir la viande ou qui vraiment y croit? Il dit, c'est chouette d'avancer là-dessus, mais qu'au fond de moi-même, j'y crois pas vraiment. Quoi, tu vois. Pas comme moi avant, en tout cas. Ouais, ça me semble pas vraiment. Si tu pouvais arriver, le président de Bulgarie, je crois, et les noms d'un des pays. Président de. Oui, d'Estonie, je crois, non. D'un état. Ouais. Nouvel état de l'Est. Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne pense pas que c'est possible ou enfin, que c'est du coup. Enfin, tu vois, qu'est-ce que c'est. Moi, si je veux. Je ne sais pas combien de temps notre société a duré. Elle est comme d'être en victoire avec qu'on prend maintenant avec les guerres et des choses avec les choses. Être honnête, se disent on sait vraiment pas si notre système du gouvernement va durer certain. Et c'est vraiment un peu. Ça prend beaucoup de foi pour imaginer que les États-Unis vont être les États-Unis dans 200 ans. Comme ça, c'est pas grave. Ouais. On voit quand même bien ici que le sondage dit que 17 personnes sur 20 pensent que c'est possible d'abolir la viande. Oui, mais sans doute. Dans le monde réel, mais sans oui, je suis d'accord de travailler pour quelque chose comme ça. Parce que ça ne change pas. Mon philosophie, c'est qu'il faut travailler pour ce qu'il faut faire. La probabilité est zéro. Je sais pas si c'est possible, mais je sais que c'est impossible si personne ne court pas. Oui. Ouais, mais si tous les mouvements sociaux ont travaillé que sur ce qu'on a pu réaliser pendant nos vies, les choses ne changeront jamais. Alors, c'est une bonne idée, à mon avis, de penser le long du monde. On le voit qu'on a les campagnes pour l'abolition du foie gras et tout ça. J'ai une question assez débile, c'est seulement parce que je ne comprends pas exactement comment ça va en France, mais on parlait beaucoup d'un débat public. Est-ce que c'est quelque chose de formel ou seulement on veut lancer ce sujet dans la pensée C'est ça, c'est pas quelque chose de formel, non, mais ça c'est pas organisé, un colloque, non, c'est que ça devienne des questions que les gens discutent. Oui, c'est une question fondamentale. Non, mais c'est sur le terme, quoi. Des grosses priorités, c'est de mettre une page. On va en discuter sur la liste, sur une liste Yahoo. C'est une liste dont le peut s'inscrire toute personne qui soutient et veut faire avancer la campagne pour l'abolition de la viande. C'est sur cette liste-là qu'a été rédigé en commun ce texte. Il y a peut-être pas moins d'une cinquantaine de personnes maintenant. Et c'est une liste qui est quasiment endormie actuellement, il y a quelques infos qui passent, mais il n'y a pas du travail actif à l'instant, il y a eu ce travail-là. Mais donc, j'espère bien que le travail va reprendre là à la rentrée. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut en discuter. Donc, une des premières choses, ça va être, à mon avis, déjà, où on publie ça. Voilà. Après, il y a aussi le côté international, quoi. C'est-à-dire que c'est... c'est quand même, il y a un sens mondial, quoi, un sens international. Je pense que c'est à peine de l'argumenter, ça me paraît évident, quoi. Et donc il y a déjà pas mal de traductions qui ont été faites. Ce texte-là, je ne sais plus trop, il faut qu'on regarde, mais des textes qui avaient été écrits un peu autour de ça, et que Yves, connaissant beaucoup de militants dans différents pays, a fait traduire déjà en 5-6 langues, je pense, anglais, espagnol. Portugais, ouais, italien, voilà, français. Ouais. Donc il y a le côté aussi de prise de contact avec des militants, des groupes de tous les pays du monde. Et donc ça veut dire aussi vraisemblablement créer d'ici peu une liste en anglais pour discuter avec eux, quoi. Voilà. Après, bon, ça, quelle forme ça prendra, moi, je suis bien capable de dire. Vraisemblablement, il va falloir envoyer une sorte de mail à l'ensemble des orgas qu'on peut supposer de près ou de loin être intéressés par ce. Peut-être également d'ailleurs des orgas humanitaires. Hein, pourquoi pas. Peut-être ça peut prendre, la forme d'un truc de signature, d'un truc comme quoi les orgas soutiennent ça, comme elles soutiennent par exemple la plateforme de la Vigipride. En même temps, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'un truc aussi formel. Oui, moi je pense pas. Ouais, parce que c'est pas une résolution où justement les gens sont censés être d'accord avec la moindre virgule, en fait, c'est avec l'idée, quoi. Mmh. Et oui, c'est pas un effet de signature, c'est plutôt un effet de... Que ça circule, que ça apparaisse auprès des organisations comme un objectif souhaitable et qui peut être partagé à l'échelle mondiale et qui puisse se donner un nouveau souffle, un second souffle à la politique animaliste de partout, mais pas nécessairement qui crée des orgas ou qui crée ensuite qu'il y ait des réseaux qui puissent se créer autour de ça. D'échanges, de collaboration, tout ça. Mais c'est pas très défini, tout ça, ça reste à discuter justement. Tout ce côté concret, un peu précis de comment ça va être lancé cette campagne, comment ça va se développer en France et comment on va essayer aussi de la faire connaître et de la faire partager à l'étranger, quoi, dans les autres langues. Je trouve que la dernière phrase, alors malheureusement ça a disparu, mais la dernière phrase qui dit la chasse, la pêche et l'élevage pour la viande, je ne sais plus comment c'est dit, doit être abolie, que ça peut être un truc fédérateur, qu'on demande aux différentes associations de se prononcer pour ça, qui définit la campagne, quoi. C'est ça qui définit la campagne. Maintenant, les attendus qu'il y a avant, je trouve important de les lancer, enfin de donner ça comme texte un peu fondateur, mais en même temps, pas forcément demander à chaque association d'être d'accord là-dessus, quoi. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a une idée d'un logo, d'un truc comme ça, plus visuel, pour la campagne Ça n'a pas été discuté, mais... Là encore, moi je vois pas ça géré par je sais pas qui, la liste dont je viens de parler. Enfin, pour moi, qui que ce soit qui pense à un bon logo qui peut être utilisé pour soutenir cette campagne, le fait, s'il est bon, il sera adopté, diffusé. J'imagine pas, moi, tout un truc, le logo officiel de la campagne. J'en enfin, c'est déjà. Non, mais. Si donc non, il n'y a pas eu de réflexion. J'en viens, si tu prends tout simplement le film de la signalisation de la route, tu mets le rond rouge. Tu mets viande en noir sur fond blanc et tu barres avec une barre rouge. Oui, c'est possible. Mais histoire que. Oui. Donc, moi, ça mérite d'être international. Oui. Enfin, histoire que, voilà, qu'il y ait un support plus visuel, qu'on soit pas obligé de lire, même si c'est une ligne de texte. En fait. Pour moi, dès aujourd'hui, il y a déjà des gens qui font des affiches, des tracts, du matériel militant contre la viande, quoi. Ça existe déjà, il y en trouve. Enfin, je veux dire, c'est ce que peut aider à cette campagne, c'est apporter deux choses. C'est clarifier l'approche politique du problème, ce qu'on a évoqué avant, et tout ce que ça peut changer, et puis dynamiser ces activités-là. C'est-à-dire, quelqu'un qui fait une affiche comme... Certains le font déjà contre la viande, puis se référer à la campagne, et puis ça peut redonner un impact plus fort à cette affiche, parce que un certain nombre de gens vont commencer à savoir que ça s'insère dans une campagne mondiale. Voilà. Mais je veux dire, je ne vois pas comme qu'il y ait un groupe, une association, je ne sais pas quoi, même un collectif, en fait, qui est pour vocation assez exclusive et principale de développer de l'iconographie, des textes, etc. Plus les gens à niveau y seront et les assos et les collectifs à leur niveau intégreront cet objectif-là, comme le végétarisme quelque part, quoi. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui réfléchit plus que d'autres à une affiche, des logos, etc. pour le végétal. Je mets de côté le côté de la belle. Bon, c'est... Oui, mais c'est vrai que si on veut toucher un public, actuellement, on a des outils qui sont vachement basés sur l'image. Et rien que d'avoir un logo qui se retrouve sur plusieurs trucs, ça va interpeller les gens et effectivement donner envie d'aller après lire ce qu'il y a derrière. Enfin, je pense aussi que ça peut être une idée intéressante. Oui, oui. Comme ça, enfin, par logo, c'est bien que. Et je suis d'accord, hein, c'est vrai, signataires qui se disent pour la mutation de la viande, qu'elles puissent intégrer assez facilement sans être mis sur un texte. Il y avait un logo, je vous montre, ça fait un petit aparté, mais sur la campagne d'abolition de l'esclavage des humains, il y a eu un logo qui a eu énormément d'impact et qui était. Vous avez sûrement déjà vu peut-être son truc, je pense que vous pouvoir savoir ce que c'était précisément, il est très connu. C'est qui a été diffusé très très largement, que des femmes anglaises portaient en broche dans les cheveux notamment, et peut-être en boucle d'oreille, je ne sais plus, non, en pendentif, j'avais lu. C'était vendu comme on vend des pins aujourd'hui, quoi. Je vous le mets à l'écran. C'était connu comme le logo de la campagne. C'est pas le logo. Si je peux faire juste une intervention, je travaille un peu dans la communication. En termes de messages publicitaires, quand on les regarde, il faut pas fonctionner sur les interdits, les ne pas. Parce que le subconscient ne les enregistre pas. Dans le sens que si tu dis ne pas manger de la viande, le subconscient retient manger de la viande. Et qu'il faut être plutôt sur une vision positive sur un autre message pour que ça soit assimilé dans le subconscient et que ça puisse faire son travail dans le conscient. Que l'attitude humaine, dès qu'on dit « ne pas » ou « interdit », a de tout de suite une position directe de critique. Que si on propose une alternative qui est positive, qui est plutôt constructive, il va avoir plus tendance à aller vers. Donc juste en termes de communication, ça me semble important de le souligner pour que le message passe davantage. Moi, en tant que le truc qui me vient à l'esprit comme image de logo, c'est un peu décalé par rapport à la viande, mais ça serait une chaîne qui se brise. Enfin, comme ça. Moi, c'est ce qui me vient à l'esprit. Enfin, ça se réfère pas directement à la viande, enfin, on peut l'interpréter de différentes façons, mais comme un truc plus de libération de quelque chose que de. Ouais, ou alors j'ai pareil, j'ai noté, je me dis, ouais, peut-être la chaîne qui se brise, on se dit, ouais, la prochaine, c'est pratique dans ma mobilette. Non, je présente. Mais tu pourrais dire aussi, tiens, tu vois le logo, là, on garde le rond rouge, avec le truc pareil, donc dedans, on met une tête de mort, on avait pareil. Tu renvoies beaucoup de messages négatifs. Ouais, c'est vrai, mais en même temps, elle est barrée, tu vois. Oui, mais il n'empêche, ça, tu vas, la personne, on est un peu comme ça. Je comprends, mais en même temps, c'est le texte, c'est pareil. Et pour faire positif, on fait un signal routier avec un poireau au milieu et comment c'est les trucs d'autorisation, enfin de... Non. Le truc bleu avec un poireau. C'est bon les poireaux. On peut en faire plusieurs, avec un poireau, avec une banane. Le fruit, t'as moins de reproches sur le fruit que sur le légume. Parce que le fruit, il est fait pour pourrir. Et ce qui compte, c'est l'arbre et le pépin de noyau, graines et blanc. La pulpe, c'est enfin, des frites. Des frites, moi je reviens. La proche de la mort dans le terre qui pourrait continuer à germer qu'en mangeant un fruit qui de toute façon va pourrir. Mais les frites ça peut pas germer. Mais là t'es en train de te moquer. C'est pour dire, ouais, on est dans les mots, on est plus dans le sujet sérieux. Enfin, un grand mot. Parce que là déjà j'ai des champs de difficulté, donc c'est en un jour, je suis encore plus en difficulté. Tu auras le support des tout tailleurs. Il y a des gens qui mangent que le fric et il y aura, ah, ça c'est contre le clan. Pourquoi? C'est mon idée, parce que c'est plus général. Non, mais l'histoire du poireau, c'est pas tout à fait sérieux que je le dis, mais bien que si on peut rajouter les trucs de fruitariens, là encore, je suis pas d'accord. Je veux dire que c'est pas un truc d'abolition des légumes. Et je suis d'accord, je veux dire, voilà. Mais c'est très enchantant d'avoir une poire, c'est un fruit, ça marche aussi. Pour aller dans ton sens, à ce moment-là, on prend un animal vivant et une obligation de le respecter. Quand tu regardes ce qui est écrit, Am I not a man and a brother? En plus, au niveau de la langue de l'anglais à cette époque-là, on pourrait plutôt dire aujourd'hui, c'est I am a man and a brother. Ouais. En termes de repères, c'est quand même, là on est sur un message qui est positif, où on est sur une identification vers quelque chose. On n'est pas sur le stop. Quand tu dis stop à quelqu'un, la première réaction qui va te dire, d'accord, mais qu'est-ce que tu mets à la place? Ouais, regarde. Oui, c'est vrai que déjà c'est pas bon. Ouais. En enlevant la négation qu'il y a dans le texte, qui n'a plus de sens dans le contexte de la langue d'aujourd'hui. Parce que l'idée quand même, c'est que les animaux sont sensibles pour moi, c'est pas neuf fois que franchement, ce serait sympa. Je peux en mettre sensible. Ce qui serait sympa, c'est que ceux qui sont venus, qui ont travaillé pour préparer les estivales, pour proposer des textes, des idées, des campagnes, des projets, en fait, vous venez avec quelque chose. En fait, peut-être qu'une fois, ce serait bien de noter vraiment toutes les idées qui gèrent par remarque. Pour moi, vous enregistrez, c'est la même façon. Après, vous allez réétudier, retenir ce qui vous plaît, ce qui peut faire progresser la cause. Alors moi je ne vais pas réécouter, a priori j'entends plein de trucs, comme tout le monde ici, je retiens des choses sélectivement. Parce que d'ailleurs vous amenez un texte, donc vous ramènerez peut-être un texte. Ben après oui, alors, pour la suite, oui, je comprends. Pour la suite, les personnes qui adhèrent à ce projet, ça c'est vraiment une condition pour la liste Yahoo Groups là. Hein. Donc j'ai parlé, les personnes qui adhèrent au projet et qui souhaitent le faire avancer sont bienvenues, au contraire, à s'inscrire à la liste et à contribuer. Voilà, je pense qu'à un moment donné, cette liste-là, s'il y a beaucoup de monde, on voit des listes internet, il y a trop de monde, ça devient foireux, et puis naturellement, se créent d'autres listes, des gens, des groupes, tout ça. Bon, mais dans la phase où c'est actuellement, c'est une liste qui peut fonctionner encore, vu le nombre de gens qu'il y a dessus. Voilà, donc j'invite à ceux qui sont intéressés à faire avancer le public là-dessus, à s'y inscrire. Et donc le groupe c'est Abolition Groupe, groupe sans E, hein, Abolition Groupe en un mot, enfin deux mots collés là. C'est sur Yahoo, hein, je sais plus, vous savez bien qu'il faut mettre http yahoogroups.fr. Je ne sais pas si tout le monde utilise les groupes Yahoo là. Ben, vous allez sur Google, vous appelez yahoo.fr et vous cherchez groupe de discussion. Voilà, et après dans Yahoo, il suffit de taper Abolition Groupe, on tombe très vite dessus. Peut-être même si vous tapez le mot Abolition Groupe dans Google ou un concurrent. Vous faites entrer, c'est aussi que c'est le premier qui sort, sinon vous pouvez faire, je sais pas moi, David ou autre, d'avoir la liste des mails qui vont être partagés à la fin pour qu'on donne le lien précis. Comment ? C'est sûr, c'est quoi une liste, c'est ça ? Non ? Non, pardon, ok. Tu parlais d'une liste Oui, c'est Pascal, je crois, qui a recueilli, qui a fait passer ce matin. T'as pas dit rien? T'es pas rempli? Mais alors, va voir peut-être pas Pascal pour ajouter ton nom. C'est Pascal. Ah, mais t'es là, oui, c'est vrai. Et après, tout ça, alors je sais pas trop. Demain matin, midi, ça doit être de. T'envoies un mail à tous les gens qui sont dessus, c'est ça? Pour que tout le monde ait la liste de tous les gens qui étaient là, est-ce que c'est ça, peut-être? On n'a pas réfléchi encore. J'envoie un mail à tous les gens qui sont dessus, à partir de la liste. Non, à partir de ton mail par exemple, enfin moi je veux bien le faire, hein, c'est de si on retape cette liste là dans un mail qui peut être envoyé à tous ceux qui sont dans la liste, comme ça tout le monde a la liste de. Il est quelle heure là? Je sais pas ce que. Oui, 3h. Est-ce qu'on poursuit ou après on doit manger puis reprendre la discussion? Donc, peut-être voilà. Ouais, en partie, qui fera son exposé, puis après, de nouveau, sur la question de la viande, certains voulaient parler de la Veggie Pride, mais peut-être qu'on pas. Il y a des jeunes qui sont psychologues, qui sont posés au paradis là-bas, ouais. Mais dont qui savent qu'il y a les estivales ici, et j'ai plus ou moins proposé qu'on projette un film. D'accord. Alors, tu en as parlé avec les moniteurs, ils ont quel âge, beaucoup de films. D'accord, tu as pensé à quel film et quel âge? Ouais. Bah, ils sont là dans la famille ce soir. Donc... Ils ont quel âge? Je sais pas, je peux pas. On n'a pas passé les turmites à. Vendredi 14h59.